Module 14, étude 2. Inégalité sociale, égalité de droit entre l'homme et la femme. Inégalité sociale. Les questions sociales préoccupent vivement notre époque. On s'est aperçu que les progrès de la civilisation, l'accroissement énorme de la puissance productive et de la richesse, le développement de l'instruction n'ont pu éteindre le paupérisme ni guérir les maux du plus grand nombre. Pourtant, les sentiments généreux et humanitaires ne sont pas éteints. Au cœur des foules couvent d'instinctives aspirations vers la justice, comme le sentiment vague d'une société meilleure. On comprend généralement qu'une répartition plus équitable des biens de la vie est nécessaire. De là, 1000 théories, 1000 systèmes divers, tendant à améliorer la situation des classes pauvres, à assurer à chacun au moins le strict nécessaire. Mais l'application de ces systèmes exige de la part des uns beaucoup de patience et d'habileté, de la part des autres un esprit d'abnégation qui fait souvent défaut. Au lieu de cette mutuelle bienveillance qui, en rapprochant les hommes, leur permettrait d'étudier en commun et de résoudre les plus graves problèmes, c'est avec violence et la menace à la bouche que le prolétaire réclame sa place au banquet social. C'est avec aigreur que le riche se confine dans son égoïsme et refuse d'abandonner aux affamés les moindres bribes de sa fortune. Aussi, le fossé se creuse et les malentendus, les convoitises, les haines s'accumulent de jour en jour. La cause du mal et le remède ne sont pas où on le cherche le plus souvent. C'est en vain qu'on s'évertue à créer des combinaisons ingénieuses. Les systèmes succèdent aux systèmes, les institutions font place aux institutions, mais l'homme reste malheureux parce qu'il reste mauvais. La cause du mal est en nous, dans nos passions, dans nos erreurs. C'est là ce qu'il faut changer. Pour améliorer la société, il faut améliorer l'individu. Pour cela, la connaissance des lois supérieures de progrès et de solidarité, la révélation de notre nature et de notre destinée sont nécessaires, et ces connaissances, la philosophie des esprits, peut seule les donner. On se récrierait peut-être à cette pensée. Croire que le spiritisme, si dédaigné, peut influer sur la vie des peuples, faciliter la solution des questions sociales, cela est si loin des vues du jour. Cependant, pour si peu qu'on y réfléchisse, on sera forcé de reconnaître que les opinions et les croyances ont une influence considérable sur la forme des sociétés. La société occidentale du Moyen-Âge était l'image fidèle des conceptions catholiques. La société moderne, sous l'inspiration du matérialisme, ne voit guère dans l'univers que les luttes des êtres, lutte ardente, dans laquelle tous les appétits, tous les instincts sont déchaînés. Elle tend à faire du monde actuel la formidable et aveugle machine qui broie les existences, dans laquelle l'individu n'est qu'un rouage infime et passager, sorti du néant pour y bientôt rentrer. Avec cette notion de la vie, tout sentiment de véritable solidarité disparaît. Comme le point de vue change dès que l'idéal nouveau vient éclairer notre esprit, régler notre conduite. Riche ou pauvre, convaincu que cette vie n'est qu'un anneau isolé de la chaîne de nos existences, un moyen d'épuration et de progrès, nous attacherons moins d'importance aux intérêts du présent. Dès qu'il sera établi que chaque être humain doit renaître bien des fois en ce monde, passer par toutes les conditions sociales, les existences obscures et douloureuses étant de beaucoup les plus nombreuses, et la richesse mal employée entraînant d'accablantes responsabilités, tout homme comprendra qu'en travaillant à l'amélioration du sort des humbles, des petits, des déshérités, il travaille pour lui-même, puisqu'il lui faudra revenir sur terre et qu'il a 9 chances sur 10 d'y renaître pauvre. Grâce à cette révélation, la fraternité et la solidarité s'imposent. Les privilèges, les faveurs, les titres perdent leur raison d'être. La noblesse des actes et des pensées remplace celle des parchemins. Ainsi, envisager la question sociale changerait d'aspect. Les concessions entre classes deviendraient faciles et l'on verrait cesser tout antagonisme entre le capital et le travail. La vérité étant connue, on comprendrait que les intérêts des uns sont les intérêts de tous et que nul ne doit être la proie des autres. De là, la justice dans la répartition, et avec la justice, au lieu de rivalité haineuse, une mutuelle confiance, l'estime et l'affection réciproque, en un mot, la réalisation de la loi de fraternité, devenue la seule règle entre les hommes. Comme on le voit, plusieurs facteurs importants interviennent dans la composition ou l'encadrement du problème social, desquels se distinguent, par leur généralité, le capital et le travail. Mais sans considérer un autre facteur très important, il est impossible de trouver la solution. Le problème social est l'éthique, sans laquelle il ne peut être résolu. Ajoutons donc cet autre facteur très important au premier, et nous aurons la clé de la solution. L'amour. Voici le facteur le plus important qui, avec le capital et le travail, forme la trinité de la question. Ainsi, on peut dire que les inégalités sociales sont la meilleure preuve de la vérité de la réincarnation, par laquelle chaque esprit a sa position bien définie de régénération et de rachat. Ainsi, ceux qui, par exemple, ont été le plus élevés dans une existence sont abaissés au dernier rang dans une existence suivante s'ils ont été dominés par l'orgueil et l'ambition. Considérés sous ce point de vue, la pauvreté, la misère, la guerre, l'ignorance et les autres calamités collectives sont des maladies de l'organisme social, dues à la situation d'épreuve de la quasi-majorité de ses membres. À l'issue de la cause pathogénique par l'illumination spirituelle de tous en Jésus-Christ, la maladie collective sera éliminée de l'environnement humain. D'un autre côté, l'inégalité des conditions sociales n'est pas une loi de nature. Elle est l'œuvre de l'homme et non celle de Dieu. Ainsi, elle disparaîtra un jour avec la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme. Il ne restera que l'inégalité du mérite. Un jour viendra où les membres de la grande famille des enfants de Dieu ne se regarderont plus comme de sang plus ou moins pur. Il n'y a que l'esprit qui est plus ou moins pur, et cela ne dépend pas de la position sociale. Maintenant voyons l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. La question sociale n'embrasse pas seulement les rapports des classes entre elles. Elle concerne aussi la femme, à laquelle il serait équitable de donner, avec l'exercice de ses droits naturels, une situation digne d'elle si l'on veut voir la famille plus forte, plus morale, plus unie. En effet, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu et ont les mêmes droits puisque Dieu a donné à tous les deux l'intelligence du bien et du mal et la faculté de progresser. L'infériorité de la femme dans quelques pays est due à l'empire injuste et cruel que l'homme a pris sur elle. C'est un résultat des institutions sociales et de l'abus de la force sur la faiblesse. Chez les hommes peu avancés au point de vue moral, la force fait le droit. Remarquons, cependant, que la constitution physique plus faible de la femme par rapport à l'homme a pour but de lui assigner des fonctions particulières. L'homme est pour les travaux rudes, comme étant le plus fort, la femme pour les travaux doux, et tous les deux pour s'entraider et passer leurs épreuves d'une vie pleine d'amertume. Ainsi, Dieu a approprié l'organisation de chaque être aux fonctions qu'il doit accomplir. S'il a donné à la femme une moins grande force physique, il l'a douée en même temps d'une plus grande sensibilité en rapport avec la délicatesse des fonctions maternelles et la faiblesse des êtres conviés à leurs soins. Suite à ces enseignements, le professeur Rivail demande aux esprits supérieurs « Une législation, pour être juste, doit-elle consacrer l'égalité des droits entre l'homme et la femme ?» Les esprits ont répondu « Des droits oui, des fonctions non. Il faut que chacun ait une place attitrée, que l'homme s'occupe du dehors et la femme du dedans, chacun selon son aptitude. La loi humaine peut être équitable. Doit consacrer l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Tout privilège accordé à l'un ou à l'autre est contraire à la justice. L'émancipation de la femme suit le progrès de la civilisation. Son asservissement marche avec la barbarie. Puisque les esprits peuvent prendre l'un et l'autre, il n'y a point de différence entre eux sous ce rapport et par conséquent, ils doivent jouir des mêmes droits. » En effet, la femme est un esprit réincarné, porteur d'un bagage considérable d'expériences dans ses archives périspritaux. Combien d'expériences aura-t-elle déjà vécues dans des corps masculins? Impossible à dire, mais certainement beaucoup, si l'on considère les millénaires d'expériences de l'humanité sur la Terre. Pour définir la femme moderne, il faut ajouter aux considérations le difficile chemin de l'émancipation féminine. La femme d'aujourd'hui ne vit pas dans un contexte culturel où les rôles des deux sexes sont définis selon des contours précis. La société actuelle n'attend pas seulement de la femme qu'elle abrite et nourrisse les nouveaux individus, elle exige également qu'elle soit capable de donner sa part de production à la collectivité. En résumé, on peut dire que l'homme et la femme, dans l'institut conjugal sont pour ainsi dire le cerveau et le cœur de l'organisation domestique. Les deux sont porteurs d'une responsabilité égale dans le collège sacré de la famille. L'une et l'autre, l'homme et la femme, sont égaux devant Dieu, et les travaux réalisés par les deux s'équilibrent sur le chemin de la vie, se complétant parfaitement pour qu'il y ait, dans toutes les situations, le plus saint respect mutuel.